Aux urgences à Saint-Pierre, je te rappelle après, d'accord? Non, c'est pas grave, j'attends. Où il est quand même? Où il est quand même? Je suis avec Flavien, tout va bien. J'attends. Mais j'attends, je sais pas. Non, non, non, rien de plus, hein, mais je voulais avoir un avis, quoi. Ça va? Je te rappelle après, d'accord?